Bonjour, aujourd'hui on est le 6 Iyar 5714. On est en plein dans la Sfirata Omer. On est le 21e jour de la Sfirata Omer. Aujourd'hui on va faire un cours très spécial concernant Chassidut Mevoeret, concernant la Sfirata Omer. Qu'est-ce que la Sfirata Omer? D'après l'Admor HaZaken, on va comprendre, il va nous expliquer qu'est-ce que est l'intention de compter 49 jours pour le Omer, qu'est-ce que le Omer, etc., etc. On va essayer de développer un peu tout. Avec Be'at Hashem, l'aide d'Hashem. Alors, on commence. On a une Mishnah dans Psachim, dans la Maseret Psachim, concernant Perek 7, Zayin, excusez-moi, 7e Perek, Mishnah Dalet, la 4e Mishnah. Là-bas, il explique quelque chose. Il dit, c'est quoi le... Ok. Excusez-moi, c'est le téléphone. On est en live, eh oui. Ok, alors qu'est-ce que la Sfirat HaOmer? Alors la Sfirat HaOmer ici, il explique dans le Mishnah de Kiati. Minchat HaOmer shemakrivim beshisha eser benissan. C'était un mincha, c'était une offrande qu'on amenait, c'est-à-dire mincha, c'est-à-dire c'était de la farine mélangée avec de l'huile. C'était comme une sorte d'offrande, mais à base de farine et d'huile. Etc., etc., qu'on offrait avec des encens et tout, avec des odeurs et tout, des poudres d'odeurs et tout ça qui donnaient ça. Donc on appelle ça une minchat. Minchat haomer shemakrivim beshishat asar benissan. C'était un mélange de farine et d'huile et tout ça, qu'on amenait, qu'on apportait au Beth Amikdash le 16 Nissan, c'est-à-dire le lendemain de Pessah. C'est-à-dire le Pessah c'est 14 au soir, donc le 15. Et donc le 16, le lendemain de Pessah, après qu'on ait fait le Seder, le lendemain, c'est-à-dire Pessah, le deuxième Pessah chez nous en dehors d'Israël, ou le Chol HaMoed pour en Eretz Israël, quand on est en Eretz Israël, parce qu'on fait qu'un seul jour de fête. Donc le deuxième jour de fête, quand on est en Chutz Laaretz, c'est-à-dire en dehors d'Israël, on a porté au Beth Amikdash. On a porté donc le minchat haomer. C'était quoi le minchat haomer? Kede le'atir et atevua achadasha, afin de pouvoir permettre la nouvelle récolte de quoi d'être consommée. Vei ba'a min aseorim, cette récolte là qui venait du blé. Asirit aefa belula bechemen, c'était un dixième qui était mélangé, qui était cuit, belula en fait, qui était mélangé avec de l'huile et qui était cuit dans une espèce de poêle. Ou maktirin mimena kometz à la misbeach, et on la faisait brûler, maktirin mimena kometz à la misbeach, dans une espèce de casserole ou une poêle. Et tout ce qui restait, on le donnait à manger au Kohanim. Et ça permettait de pouvoir consommer tout le reste de la récolte de l'année, c'est-à-dire qui était nouvelle, la nouvelle récolte. Donc aujourd'hui, on n'a pas ça, parce qu'on n'a pas le Beth Amikdash, malheureusement. Bezat Hashem Bekaro, Bezat Hashem Hashir Yavo. Et on aura le Beth Amikdash, et on pourra, je ne sais pas si elle va être annulée cette misva, mais. Je sais pas, ça il faut aller regarder dans le Rambam concernant les halakhot de Beth Amikdash, mais en tout cas, Bezat Hashem, voilà c'était quoi le Omer. Le Omer c'était donc pour désigner cette farine de blé qui était nouvelle, qui était récoltée, qui était écrasée, moulue, qui était mélangée avec de l'huile et qui était brûlée au Beth Amikdash là-bas, dans cette poêle-là, et pour pouvoir permettre à tout le monde de manger la nouvelle récolte. Tout ce qui restait, il le donnait au Kohanim. Tout ce qui brûlait, c'était brûlé. Tout ce qui restait, c'était donné. Donc ça, c'était la traduction de la Sfirat HaOmer. Mais en fait, la Sfirat HaOmer, c'est plus que ça. Maintenant, on va voir, ça c'était le Pshat. Donc ça, c'était l'explication. Première explication. Maintenant, on va essayer de comprendre, d'après la Chassidut, qu'est-ce que veut dire la Sfirat HaOmer. Alors, la Sfirat HaOmer, c'est très simple. On va pas trop entrer dans la Kabbalah concernant les SR Sfirot et tout ça, parce que ça prendra un cours en soi. Alors, on va essayer d'être le plus bref possible et d'expliquer le mieux possible. Alors, Sfirat HaOmer, c'est le travail des Midot. Alors, dans la Pticha de Chassidut Mevoeret concernant, c'était Moadim, Moadim Bet. Le deuxième livre de Chassidut Mevored, qui a été rédigé par Echal Menachem, qui traite justement de, du Likutei Or et du Likutei Torah du Admour HaZaken, et il l'enrichit, c'est-à-dire il le développe un peu plus de la façon que n'importe qui peut le comprendre, dans le sens où, c'est vraiment travailler le texte, c'est beaucoup travailler de façon à ce qu'ils ajoutent des explications sur des choses que peut-être on pourrait pas comprendre de nous-mêmes. Et bon, Hachem, eux, ils ont la tête pour ça, et ils ont Kohar Hachem qu'il leur donne de faire ce travail-là, de faire descendre un peu plus la chassidoute à portée de tout le monde. Alors bon, Hachem, on va commencer. La Ptichat, elle est très spéciale. C'est Ptichat, ça veut dire une introduction. Yemea Sfirat em Zman Shel Tikkun Amidot. Les jours de Sfirat Omer, il y en a 49, c'est un moment où on doit arranger ses traits de caractère. Betkufa zo omrim pirkei avot shetuchnas musarim umidot, et on dit pendant donc les 7 semaines, chaque semaine on dit les pirkei avot, il y a 7 prakim dans les pirkei avot, donc on dit les 7 prakim. Donc pendant les 7 semaines, on a l'habitude de dire pirkei avot. Pourquoi les pirkei avot? Parce que les pirkei avot, c'est une Mishnah qui a été écrite, qui est faite justement pour travailler les traits de caractère. Tous nos traits et tous nos midot vont être travaillés d'après cet enseignement. Chaque fois qu'on va apprendre un peu plus de Pirkei Avot, on va essayer de travailler par rapport à ce qu'on vient d'apprendre, et Bezrat Hashem, on va essayer d'avancer. C'est ça le but de l'étude. Zehu atochen haruchani shel mitzvat Sfirat HaOmer. Et c'est ça le but du compte du Homer, c'est-à-dire les 49 jours. C'est pas juste on compte, voilà, merci, au revoir, on arrive à Shavuot. Non, c'est pas ça. Il faut justement, après Pessah, c'est de suite le travail de Sfirat HaOmer, le travail de chacun de soi, de s'améliorer, de s'élever spirituellement. Et même physiquement, c'est-à-dire dans le sens où prendre ses mauvais traits de caractère, essayer de les transformer pour essayer de les élever spirituellement. C'est quoi le Sfirat HaOmer? Pourquoi? Alors, quand on est sorti d'Égypte, une petite parenthèse, la sortie d'Égypte, avant Matan Torah, avant de recevoir la Torah, ça a duré 49 jours. Donc, ce qui explique qu'on a compté les 49 jours. Il y avait une question que Rav Maimon Pinto il avait ramené. Il avait dit comme ça. Il avait dit pourquoi on n'a pas compté. Pourquoi on n'a pas on prend les Bnei Israël, ils n'ont pas compté en descendant. Style 49, 48, 47, 46. Non. Il dit parce que quand on s'approche, quand on est, c'est-à-dire pour se purifier, parce qu'on va la Sfirat HaOmer, c'est pour se purifier en fait, c'est pour se nettoyer de toutes ces mauvais traits de caractère. Donc on va une étape par étape, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on a fini étape 1, maintenant on passe à l'étape 2, on grandit. On va toujours en grandissant, on va pas en rapetissant. C'est ça le but de la Sfirat HaOmer. Donc c'est pour ça que toujours on compte en montant, pas en descendant. Ah, ça c'est une petite parenthèse. Donc les Béné Israël, ils ont passé 49 jours avant d'arriver au Arsina, où ils étaient au Arsina, je sais pas exactement, mais ils ont passé 49 jours avant de recevoir la Torah. Et ces 49 jours, chaque jour correspondait à une mida, à un trait de caractère. On va voir après, plus tard, un peu plus en détail, qu'est-ce que ça veut dire 49 jours, pourquoi 49 jours, pourquoi pas 60 jours, pourquoi pas 50 jours, etc., etc., etc. J'ai sofrim sheva shavuot keneged sheva amidot. Maintenant, il explique, il dit qu'on comptait 7 semaines par rapport aux 7 midot. Mais chesed al malchut. Alors là, il explique quelque chose. Là, maintenant, on rentre dans les sphirot. Mais chesed al malchut. Mais kefi sheomrim ba ribono shel olam. Achare asfira ata tzivitanu. Lispor sfirat haomer kede letarenu. Yitukan ma shepagamti besfirat veomrim amida ayashayechet leoto alayla. Veitaer veitkadesh begdusha shel maala. Alors il explique, il dit comme ça. Que on doit arranger ces 7 midot. On va expliquer maintenant un peu dans quelques secondes qu'est-ce que c'est les 7 midot, qu'est-ce que sont les sfirot, etc., etc. Ou kefi sheomrim ba, et il dit comme il a été dit là-bas, ribono shel, comme il va dire à Kadosh Baruch Hu, ribono shel olam, Hashem, voici que tu m'as que je compte et tu nous as obligés de compter. C'est-à-dire, l'ispor sfirat à Omer, qu'est-ce qu'il est arrivé nous, afin de compter ces jours, ces 49 jours, pour nous purifier et pour arranger ce que j'ai abîmé dans chaque sphira, dans chaque midot. Je traduis le texte, après on va expliquer. Et il dit, ces midot-là, elles sont dépendantes de chaque nuit. C'est-à-dire, chaque nuit qu'on compte un jour du Homer, ça répare une mida, une sphira, qu'on va voir un peu comment ça marche. Et on se purifie un tout petit peu plus, jusqu'à qu'on arrive à être Kadosh, qu'on arrive à être pur, et pour pouvoir recevoir la Torah, et jusqu'à qu'on s'élève le plus possible. Maintenant, alors, c'est quoi les sphirot à Omer, les 49 sphirot? Bon, dans la Kabbalah, on va pas rentrer, on va essayer d'être survolé un peu. Dans la Kabbalah, il y a 10 sphirot. 10 sphirot, on va expliquer c'est quoi. On va les dire, parce que ça va faire du bien à la Neshama. Alors, il y a Keter. On va de haut en bas. Keter, qui est la couronne. Chochma, qui est le monde de Hatzilut. Bina, qui est le monde de Bria, qui est connecté, les deux, Chochma et Bina, qui est connecté avec le Da'at. Après, on a le monde de la Yetzira, qui contient les 7 midot en question. Les 7 midot en question sont Chesed, Gvura et Tiferet qui est au milieu. Ensuite, un tout petit peu plus bas, Od et Sod qui est au milieu et Netzar. Donc Od, Netzar et le Esod qui est au milieu. Ensuite, on a à la fin le Malchut. Ça, c'est le Olam à Asiya. Donc, juste retenez le Olam à Yetzira, les 7 midot, les 7 traits de caractère viennent de ce deuxième monde. Ce deuxième monde en partant d'en haut, donc qui est Atzilut, Bria, Yetzira. Yetzira, c'est le troisième en partant d'en haut. Juste retenez ça, c'est les 7 midot. Comme on a dit, les midot, le Chesed, la bonté, la Gvura, la rigueur, la Tiferet, c'est la beauté, le Od, Netzar et Sod. Od, c'est la... Attendez deux secondes. Voilà, j'ai pris une traduction pour pas me tromper dans le mot. Donc, le Netzar, c'est l'éternité. Le Od, c'est la majestuosité. Et le Esod, bien sûr, c'est les fondations. Donc voilà, on a nos 7 midot, nos 7 traits de caractère. Donc maintenant, on va voir, donc chaque jour, bon, pour faire le compte maintenant, un peu de mathématiques, pour faire le compte, chaque mida, c'est-à-dire chaque mida qu'on vient d'évoquer, elle a en elle-même un autre 7. Donc 7 fois 7, 49. C'est ça? Oui, c'est ça. 7 x 7, 49. Je suis encore pas mal en maths. Hein? En tout cas, donc 7 x 7, 49. Ça veut dire quoi? Chaque fois qu'on compte le Homer, si vous regardez bien, en bas du compte du Homer, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué la chose suivante. Gvura chez Betiferet. Oui. Ou Chesed chez Betiferet. Etc. Et chaque chose, à chaque fois, on voit en bas quelle mida on répare. Dans le sens où, puisque la première mida, c'est un peu compliqué, il faut juste essayer de... Je ne peux pas vous le montrer visuellement parce que c'est un cours audio, mais essayez de comprendre. Il y a 7 sphirotes, vous avez 7 boules, 7 petites sphères, avec chacun les attributs, les traits de caractère. Dans chaque petite sphère, il y a encore une autre 7 sphères à l'intérieur. Donc là, donc chaque petite sphère à l'intérieur, chaque jour, on va réparer ces petites sphères qui sont à l'intérieur de chaque sphère, des 7 sphères. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si on a, donc la première sphère, ça va être la Tiferet, eh ben, on va commencer par Tiferet chez Betiferet. On va réparer la Tiferet qui est de Tiferet. Et après, Chesed de Tiferet, Gvura de Tiferet, Netzar de Tiferet, Od de Tiferet et Sod de Tiferet. Une fois qu'on a fini la première, les sept petites sphères qu'il y a à l'intérieur de la première grande sphère, on va passer à la deuxième sphère qui est Chesed. Et etc. On reprend. Et Tiferet de Chesed. Et Chesed de Chesed. Et Gvura de Chesed. Etc. etc. etc. Tout ça jusqu'en descendant, jusqu'à arriver à la septième qui est Esod. Donc on va continuer toujours. Donc alors ça veut dire 49. Donc chaque jour, pour pas rentrer trop en profondeur, chaque jour on va compter un jour, ce qui veut dire que chaque jour on a le potentiel de réparer. Maintenant, le potentiel, on l'a. Maintenant, il faut l'appliquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque jour, il faut pas hésiter à travailler la, par exemple, la chose qui est demandée, justement. La sphira qui est en aujourd'hui à réparer, ben, il faut travailler sur dans ce chemin-là pour pouvoir la réparer. Donc ça, c'était une petite parenthèse pour comprendre pourquoi 49 jours, etc., etc., etc. Maintenant, 49 jours, ça nous amène à la cinquantième, c'est quoi? Cinquantième, la porte de la Bina. C'est-à-dire la sphira qui est juste au-dessus de tout ce qu'on vient de dire, donc du monde de Yetzira, c'est le monde de Bria, qui est de la Bina. La Bina, c'est la cinquantième porte. Et cette Bina-là, donc, on l'obtient seulement en arrivant, en comptant 49 jours et en se purifiant pendant 49 jours pour pouvoir arriver à la Bina, qui est le monde des Malachim. Donc, on va pas rentrer dans ça, c'est un peu compliqué. Donc, voilà, on a compris un peu qu'est-ce que c'est les 49 jours. Maintenant, on va essayer d'expliquer beaucoup plus en profondeur, d'après la Admor HaZaken, qu'est-ce que veut dire tout ça? On fait une petite pause de 2 secondes, le temps que je trouve la page, que je me mette en position. Ok? On se revoit dans 2 secondes. Ok, nous sommes de retour après cette petite pause. Maintenant, nous allons commencer donc le Mahamar qui commence par Usfartem Lachem, Mimacharat Shabbat Miyom Eviechem et Omer Atenufa Sheva Shabbatot. Donc on traduit Usfartem Lachem et vous compterez pour vous, Mimacharat Shabbat, juste après le Shabbat Miyom Eviechem, le jour où vous amènerez. Et Omer Atenufa Sheba Shabbatot. Le Omer, donc le fameux Omer qu'on a expliqué tout au début du cours, que nous allons Atenufa, ça veut dire les Kohanim en général, ils faisaient des Tenufa, c'est-à-dire ils prenaient la chose et en anglais on dit waving. Ici, on dirait, vous savez, quand par exemple on se met une fenêtre et on fait coucou à quelqu'un, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, il prenait les choses et il le montrait au Bnei Israël ou je sais pas comment on explique ça en fait. Tnufa, je l'ai pas le mot en français, je me suis désolé. Mais en tant que quoi, vous avez un peu compris. Sheva Shabbatot, pendant 7 jours. Pendant les 7 Shabbatot, je veux dire, les 7 Shabbats qui suivent. Donc ça veut dire 7 semaines. Alors, il commence comme ça. Tochen haperek ha'evdel ben ha'etgalut ha'elokit be'et yitziat mitzrayim ve'etgalut mimatan Torah. Le concept maintenant qu'on va essayer de comprendre, c'est la différence qu'il y a entre le dévoilement d'Hachem au moment de la sortie d'Égypte et le dévoilement d'Hachem qu'il y a eu au moment du don de la Torah. Alors, il commence comme ça. Donc c'est ça maintenant ce qu'on va traiter. On va essayer de comprendre pourquoi il y a eu Yetziat Mitzrayim, c'est-à-dire le dévoilement d'Hachem pendant la sortie d'Égypte. Et après il y a eu encore un autre, après 49 jours, il y a eu un autre dévoilement d'Hachem au mont Sinaï pour pouvoir recevoir la Torah. Usfartem lachem imacharat haShabbat miyom avirchem et Omer atenufa sheva Shabbatot. Milashon haKatuv Omer atenufa muvan sheSfirat haOmer i emshech. לא רק לאהבת העומר בכלל, אלא בעיקר לענף את העומר. Il dit la chose suivante. Ah, ça y est, j'ai trouvé le mot. L'anefet, c'est raising, élever. soulever. Il prend dans sa main et il le soulève. C'est ça le mot exact. Je viens de regarder dans le dictionnaire. Merci pour la technologie aujourd'hui. On a la possibilité de corriger tout de suite. Alors, donc d'après le langage du pasouk du verset qui dit Omer Atenufa, le Omer, donc ce qu'on avait expliqué au début du cours, que nous allons élever, Mouvan, c'est évident que cette Sphira ta Omer, que la Sphira de Omer, c'est une continuation de la sortie d'Égypte. Et pas juste seulement amener donc cette farine est mélangée dans de l'huile, donc ce homer là pour pouvoir le brûler, etc. C'est pas juste ça, c'est pas juste une action. Seulement, c'est une action en fait que quoi? Que l'importance de ça, c'est l'anefet à homer, c'est-à-dire de élever le homer, c'est-à-dire d'élever les 49 midot, les 49 sphirot, qui correspondent aux 49 midot, aux 7 midot, excusez-moi. Aux 7 midot. Donc tout ça, de ce verset-là, en profondeur, quand on regarde le verset, le Admoazaken nous fait prendre conscience qu'en fait, c'est plus que juste amener cette farine et ce mincha-là sur le korban, sur le misbéar, excusez-moi. C'est plus que ça, c'est justement de élever le homer, de soulever le homer. On va voir comment. Ou Magdim Levaer Atochen Aruchani Shel Sfirat Homer. Et il va expliquer maintenant le but de la Sfirat Omer. Ine ausfartem olashon beirut kemo even sapir. Vechen eser sfirot olashon beirut. Il dit comme ça. Le mot ausfartem, qui s'écrit en fait comme le mot saphir, la pierre précieuse qui s'appelle le saphir. Eh ben, c'est le même langage. En hébreu, on sait que dans la langue hébraïque, Baruch Hashem, c'est une langue très, très, très, très, j'ai pas de mots pour ça. En tout cas. C'est une langue très, très, très, très, très, j'arrive pas à trouver, excusez-moi. C'est en live, j'arrive pas. Bon, c'est pas grave. C'est une langue qui est très très compliquée dans le sens où ça demande beaucoup de. Attendez, je vais trouver le mot. Une langue très scientifique. Excusez-moi pour ce bégaiement. C'est une langue très scientifique, c'est-à-dire très très très très compliquée et elle demande beaucoup de knowledge. Elle demande beaucoup de connaissances pour pouvoir la maîtriser. Donc ici, il explique, il dit usfartem. Ça vient du mot Lachon Beirut, d'illumination, comme une pierre de saphir. Vechen Eser Sfirot ou Lachon Beirut. Et aussi, les 10 Sfirot qu'on a évoquées dans le deuxième parenthèse, elles font allusion au Lachon, au langage de Beirut, d'illumination, d'éclairement. Echad atamim she'aseret hakochot shelemala she'al yadei HaKadosh Baruch Hu mechaye u'manigat kol ha'olamot nikraim b'shem sfirot. Il dit comme ça, une des particularités des 10 forces qu'il y a au-dessus, que HaKadosh Baruch Hu, il donne la vie et il dirige son monde, ses mondes, excusez-moi. Et ça, c'est expliqué d'après les 10 sphirot. On peut comprendre comment Kadosh Baruch Hu, il est méchaillé le monde et comment il dirige son monde d'après les 10 sphirot. Et ça, c'est ça l'explication du monde. On va comprendre après. Si vous comprenez ça, on peut commencer peut-être un peu à comprendre comment Hashem dirige son monde. Kelashon Atikuni Zohar, comme il est écrit dans le Zohar, ou Karinan Leon Eser Sfiran. Ou les fiches à Ser Sfirot. D'après que les 10 Sfirot, Megalim, elles dévoilent la lumière d'Akadosh Baruch Hu sans fin. Et à cause de ça, elles illuminent de cette lumière-là d'Hachem, qui illumine Ba'em Ve'al Yadan Bechol Aolamot, Nikra Bechem Sfirot. Et donc, cette lumière est d'Akadosh Baruch Hu qui est sans fin. Elle descend, elle fait un seder d'Ishtal Shelut, comme on appelle ça. C'est-à-dire, elle descend de palier en palier jusqu'à arriver dans notre monde à nous. Et donc, pour qu'on puisse l'apercevoir, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que c'est quoi ça, la lumière d'Hachem, qu'on puisse l'apercevoir? C'est quoi? La Shon Beirut Kemo Even Safir chez Even Ameira. En fait, comment ça marche? Akash Borou, dans son entité, lui, il illumine le monde. Il donne la vie et il dirige son monde. Comment? Sa lumière à lui, elle n'est pas percevable parce qu'elle est trop forte. Imaginez, on donne un exemple. Toujours, là, Chassidou Chabal, on donne un exemple très simple. Le soleil, il l'illumine. Mais est-ce que les rayons qu'on a ici sur cette terre, c'est le soleil lui-même? Non, c'est les rayons du soleil. Mais ces rayons-là, ils font partie du soleil. C'est-à-dire, ils sont arrivés du soleil lui-même. Donc, cette lumière-là, c'est pas Hachem, mais elle fait partie d'Hachem. C'est-à-dire, c'est l'illumination de la source. Vous comprenez? Donc, c'est exactement le même principe qu'il dit. Il dit ici, pour comprendre comment de la lumière d'Hachem, qui est sans fin, il illumine son monde et il dirige son monde, il faut, ça va d'après le CEDER, donc d'après le processus de descente, de palier par palier. Ça veut dire quoi? De la première sphira qu'on a dit tout à l'heure, Keter, au début du cours, jusqu'à la dernière qui est Malchut. Malchut, c'est notre monde à nous ici. Donc la lumière, elle commence à partir de Keter, de Or En Sof, d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Et elle descend. Et elle descend des mondes, du premier monde, deuxième monde, troisième monde, jusqu'au quatrième monde, jusqu'à qu'elle arrive à notre monde à nous, et qu'on puisse l'apercevoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il se dévoile à nous, mais dans ce monde-là, mais pas de façon qu'il est dévoilé dans le troisième monde, ou dans le deuxième monde, ou dans le premier monde, ou de lui-même. Comprenez? Donc, il est à chaque fois, sa lumière, elle est un tout petit peu plus voilée à chaque fois. Il se voile un peu plus. Jusqu'à arriver dans ce monde-là où des fois il est complètement voilé. Donc, il faut, pour pouvoir le dévoiler, pour pouvoir le faire manifester dans ce monde, on peut le faire que seulement grâce à la Torah et les mitzvot, qui vont enlever chaque voile et qui vont nous éclairer les yeux pour pouvoir comprendre Hachem lui-même. C'est-à-dire, pas comprendre Hachem lui-même, mais voir un peu de sa lumière, de comprendre un peu de sa lumière. Vezeu usfartem lachem, aenu leamshir eser sfirot, sheiru lachem lemata. Et il dit, c'est ça que ça veut dire, usfartem lachem, que vous compterez pour vous. C'est-à-dire, pour continuer, et les 10 sfirot, le processus des 10 sfirot, des 10 escaliers qui, de haut en bas, pour pouvoir illuminer dans ce monde, pour pouvoir nous illuminer ici, plus bas. Donc ça, jusqu'à ça, c'est clair. On a compris. Zehu apirush apnimi usfartem lachem. Voilà, c'est ça, en fait, l'explication du pasuk qui dit, et vous compterez pour vous. C'est ça qu'il veut dire. Sfira milashon beirut. Et la sfira, le mot sfira, donc saphir, elle veut en fait dire Beirut, un éclaircissement. C'est Tzrichim Lehaïr et Alechem. Et il dit, il prend le pasouk, le verset encore, et encore il le décortique encore plus. Il dit, puisque Sfartem Lachem, et vous compterez pour vous, dans le Lachon, dans le langage de l'hébreu, ça fait allusion au Sfira, donc le saphir. La pierre précieuse qui est le saphir, qui veut dire illuminer, qui illumine, parce que c'est ça la particularité du saphir. Chez Tzrichim, qu'on a besoin de quoi? De s'illuminer à nous-mêmes. C'est ça qu'il veut dire, en fait, ce pasouk. Ou Sfartem Lachem, et vous vous illuminerez à vous-même. Tout ça, c'est ça, la Nouazakan qui vient. Ad Sheatem, et Atzmechem, yé or Abayir. Jusqu'à que vous arrivez à un niveau, où que vous-même, vous allez pouvoir illuminer dans ce monde-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette lumière, pour essayer un peu de comprendre, refaire une... Parce que la chassidou, il faut vraiment la redire et la redire et la redire et la redire et pour pouvoir qu'elle rentre et qu'on comprenne un peu qu'est-ce que ça veut dire. Parce que c'est des concepts très très compliqués qui sont pas des choses qu'on apprend tous les jours. Et donc, pour pouvoir bien les assimiler, pour pouvoir les vivre et pour pouvoir avancer, il faut bien l'assimiler dans le sens de la bien assimiler correctement. La lumière d'Hachem, elle est dévoilée dès la création du monde. et elle descend. Hachem, il fait vivre le monde tous les jours, à chaque seconde. Et il dirige son monde à chaque seconde. Maintenant, cette lumière, elle descend. D'après 10 paliers qu'on a expliqués, qui étaient les sphirotes. Ces sphirotes-là, nous, c'est des mondes que nous, on n'a pas accès. Donc, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas voir. C'est de la lumière trop forte. Même si on la voit, on ne va pas comprendre. On ne va même pas savoir d'où ça vient. On va même pas se... Donc, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a fait descendre jusqu'à notre monde, à nous, qu'on est le 10e monde, en partant du haut. Le 10e sphirote. Oui, le 10e palier, on va dire. Eh bien, cette lumière-là, en la travaillant, c'est-à-dire en travaillant sur nous-mêmes, nos 7 midotes, nos 7 traits de caractère, on peut arriver, nous aussi, à illuminer. C'est ce qu'il veut dire ici. C'est-à-dire que si on arrive à travailler nos 7 midotes, nos 7 traits de caractère, de façon positive, et de façon comme il se doit, alors on va réussir nous-mêmes, on va devenir aussi, nous aussi, des lumières, dans le sens où nous aussi, on va être, par rapport à la vision des autres, on va être la même, comme il a dit au début, on sera Kodesh, parce qu'on va essayer de nous se purifier le maximum. Shadam le mata tsarir le'ir et atzmo be'or eloki she'be'aser asfirot ha'elyonim. Ha'elyonot. Et il dit comme ça, que l'homme d'ici en bas, il est obligé de s'illuminer de la lumière d'Hachem qui vient des eser sphirot. Des 10 sphirot qui viennent d'en haut. Qui yadua shenefesh adam kloula me'eser kochot keneged eser sphirot elyonot. Ve'avoda de sphirat ha'omer hi shadam yizacher et kochot nafsho ad shekol koach prati mekochot ha'nefesh yiye merkava les sphirat pratit. Alors il dit ici comme ça, il explique, il dit qu'en fait, tout le travail, comme on sait que le nefesh, la personne en elle-même, le nefesh de l'homme, elle englobe les 10 forces qui représentent en fait, qui sont représentées par les 10 sphirotes du dessus, des mondes au-dessus. Et le travail de chacun, c'est justement de prendre ces sphirotes pendant le sphirat haomer et de les travailler jusqu'à ce que l'homme, il se raffine. Il raffine ses traits de caractère, ses forces qui sont dans son nefesh, dans son âme, jusqu'à ce qu'il soit capable lui-même, avec son nefesh, d'être un exemple, d'être un markava, d'être comme un wagon qui va tirer tout ça, qui va être comme les mêmes esser sphirot, comme les mêmes esser sphirot qui illuminent le monde, la même chose. Il a le potentiel lui-même en lui d'avoir des esser sphirot. Anus shikol kochot nafsho yeh betelim le kochotav idbarer. Comme on a dit, que les 7 kochot, les 7 forces qu'on a en nous, elles vont s'annuler devant qui? Devant Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui les a créées. Et donc tout ça, c'est le but d'être batel, d'être serviteur d'Hachem, et de pouvoir se rapprocher le plus possible d'Hachem pour pouvoir le servir le mieux qu'on peut. Kemo amerkava shekol inyane ou rak le ovil et arochev. Comme la même façon qu'un wagon qui tire un train qui tire des wagons, le train il est battel, il s'annule complètement par rapport aux wagons. Les wagons ils sont beaucoup plus nombreux, dans le sens où c'est lui qui doit tirer, ben c'est lui qui doit faire le travail, et ben on fait le travail et tout le reste il suit. Vous comprenez un peu le concept? Et ça seulement, donc là le train lui il est là pour tirer les wagons de point A au point B comme Hachem lui a demandé. C'est la même chose, nous notre force, notre travail ici dans ce monde, c'est de servir Hachem et de faire ce que Hachem il veut de A à Z, c'est tout. Et c'est ça notre but, et pour cela il faut se raffiner, il faut raffiner tous nos traits de caractère pour pouvoir réveiller en nous les 10 kochot, les 10 forces qu'on a en nous qui sont représentées par rapport aux 10 sphirot qui sont au-dessus dans les mondes supérieurs. Jusqu'à là c'est correct. Les dougmas, On va donner un exemple. Kol inyani shel koar a chokhma she benefesh yema she aliado mitgale a chokhmato itbarach. Toutes les choses que shel koar chokhma, que la force de son intellect qui se trouve dans son nefesh, yema she aliado mitgale a chokhmato itbarach. Donc tout ce qu'il va apprendre maintenant, tout ce qui va, la force de son intellect, il va s'en servir, pas pour faire des choses mauvaises, s'en servir pour servir Hachem. Pour servir Hachem dans le sens où il va réussir à s'élever spirituellement, il va devenir raffiné, et il va utiliser ce qu'Hachem il lui a donné pour pouvoir justement le servir. Mitgaler chokhmato itbarach, et il va, grâce à ça, il va réussir à dévoiler Hachem dans ce monde. Ça veut dire quoi? Par exemple, un exemple tout simple, quelqu'un qui va étudier un Teilim ou une Mishnah, il va rencontrer quelqu'un, un autre juif, et il va lui redonner encore. Donc il va dévoiler, il va utiliser sa chokhma pour comprendre ce qu'il vient d'étudier, il va le redonner à un autre juif, et à cet autre juif, etc., etc. Donc il va dévoiler Hachem dans ce monde. Vishel midat chesed ve'ahava shebenefesh le'asiyat inyane chesed de'kdusha. Alors ici, il explique quelque chose. Il dit, Vishel midat chesed, et la mida de chesed, le trait de caractère de la bonté, des kdusha, qui est dans la kdusha, chez mekoram, que sa racine, mais midat chesed chez les malas. Donc, la personne qui a du chesed, dans ce monde-ci, il a son trait de caractère. Maintenant, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire les sphirotes d'en haut et les 10 forces qu'on a ici dans notre corps, dans notre nefesh. Il dit comme ça. Il dit maintenant, quelqu'un qui est bon, il a de la bonté. D'où ça vient cette bonté? Ça vient de la mida de chesed. Ça vient du trait de caractère de la bonté, chesed, qu'on appelle chesed. Eh bien, cette mida de chesed, ce Kohar de Chesed, cette force de Chesed qu'il a en lui, elle est connectée à la Mida de Chesed qui est en haut. Donc la Sphira de Chesed, qui est de bonté. Donc s'il n'a pas cette Sphira, s'il n'a pas rangé cette Sphira, par exemple, il n'est pas un Bal Chesed, on va dire, il a du mal à donner de la Tzedaka, il a du mal à faire du Chesed dans le sens. Chesed, c'est pas juste donner de l'argent. Chesed, c'est aussi faire des bonnes actions, aider son prochain, pas aider son prochain parce que je vais recevoir une récompense. Non, aider quelqu'un parce qu'il a besoin. Aider quelqu'un parce que on l'aime comme si c'était nous-mêmes. Dans le sens où Hachem nous a commandé de le faire, pas juste commandé de le faire, mais on le fait parce que il y a plusieurs degrés dans ça. Est-ce qu'on doit le faire, etc. On va pas entrer dans ça, mais il le fait parce qu'il veut le faire. D'accord? Pour être plus bref. Donc, si maintenant il a pas ces traits de caractère, il n'est pas un Bal Chesed, alors il doit travailler sur ça, il doit le raffiner. Et ça, il va arranger, quand il va réussir à arranger dans ce monde-ci son trait de caractère du Chesed, il va arranger sa sphira de chesed qui est au-dessus. Et il va continuer encore plus, etc., etc. Après, ça va être la rigueur, etc. Donc, c'est ce qu'il dit. Il dit que Vechen Beshara Kochot. Et tout ça, c'est exactement la réparation des 49 jours qu'on explique du Homer. Que quoi? Que chaque Kochot, chaque force qu'on a en nous, dans notre Nefesh, on va essayer de chaque jour de l'améliorer, de le raffiner et de le travailler pour qu'il soit positif, qu'il va dans le bien. Et de façon à ça, on va arranger nos traits de caractère, nos sphirotes en haut dessus. Donc c'est exactement de ça qu'il parle. Vezehu ma she'anu omrim, gam ken le'inyan sphirat ha'omer le'tarenu le'kdushatenu. Bikdushatra Aeliona Aenu Shekdushat Eser Asfirot Yeshua Beno Bechol Kochot Anefesh. Et il dit, c'est ce qu'on dit ici, quand on lit la Sfirat Omer, Vezeru Jmashianu Omrim, et c'est ce qu'on dit là, l'Inyan Sfirat Omer, au sujet de la Sfirat Omer, qu'on va nettoyer, le Tarin, on va se purifier, ou le Kadeshenu, et on va se nettoyer, se purifier, Bikdushatra, dans ta Kdusha, dans ta pureté, qui est au-dessus. Et il y en a. Aïno, c'est-à-dire, chez Kdusha, ta eser sphirot. Et en fait, ça veut dire quoi, les puretés du dessus? Les 10 sphirot qu'il y a au-dessus. La kdusha, la pureté des 10 sphérotes qui est au-dessus, c'est ça qu'on parle. Yeshura beno, et qui est connecté, qui est attaché à nous. Bechol kochot anefesh, qui est les 10 kochot anefesh que nous avons dans notre nefesh. Donc quand on parle de la nefesh, nefesh abéhémite, donc tout vient de la nefesh abéhémite. Les 7 midot, c'est le travail de la nefesh abéhémite. La nefesh qui est en fait attirée juste par les vérités de ce monde. Ce qui veut dire qui est matérialiste, c'est-à-dire qui est gashmiit. Gashmiit, ça veut dire que tout ce qui est le kiff de ce monde, tous les plaisirs de ce monde, c'est ça la neshama behemit auquel elle est attirée. Et de ça qu'on parle quand on dit qu'on doit raffiner cette midot, ça représente en fait la neshama behemit qu'on a en nous. Bon, on va pas rentrer dans ça parce que ça prend un cours en soi, parce qu'il y a plusieurs degrés dans la neshama, il y a plusieurs degrés, il y a le nefesh, roar, neshama, chaya, irida, etc., etc. Ça prend un cours en soi. Bat Hashem, je vais parler avec Ram Maimon Pito pour qu'il nous fasse un cours en français sur ça, et je vais essayer de le poster sur Kabbalat Shiur, Bezat Hashem. Et donc, on a compris que quand on dit travailler, donc les 7 midot, les 7 midot qu'on doit travailler, en fait, ça correspond à la neshama qu'on a animal. Animal, behemit, ça veut dire animal, ça veut dire tout ce qui est après, on est attiré par tout ce qui est de ce monde-là. Et donc, c'est pas interdit de profiter de ce monde, seulement il faut savoir comment profiter, dans le sens ou quoi. Par exemple, si j'ai de l'argent, je vais faire, avec cet argent, je peux faire soit du mauvais, soit du bon. Dans le cas où je vais faire du mauvais, je vais brûler mon argent dans des bêtises. Maintenant, dans le cas où je peux utiliser cet argent, donc dans ce monde-là, dans ce monde physique, et l'utiliser à bon escient, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire Torah Mitzvot, acheter des livres, faire du chesed, etc., etc. Travailler avec cet argent que Hachem il m'a donné dans mes mains pour l'élever spirituellement et l'élever que de sanctifier le nom d'Hachem grâce à cet argent. Et tout ça, c'est le but. Et dans chaque chose, donner un peu de son temps. Hachem, il t'a donné du temps. Tu travailles, tu gagnes une bonne part dans ça, tu gagnes bien ta vie. Baruch Hashem, tu as du temps. Va étudier. Ou, si tu es capable d'étudier et d'enseigner, alors va enseigner à d'autres. Etc., etc. Donc, tu vas sanctifier Hachem. Tu vas révéler Hachem dans ce monde. Tout ça, c'est le travail qu'il y a du Sfirat Omer, des 49 Sfirot à réparer. Et tout ça, c'est Bezat Hachem, que de bonnes choses. Alors, c'est fini pour ce premier introduction de ce cours. Et Bezat Hachem, la suite, à venir. Et Bezat Hachem, on va parler avec Rabbi Maimon Pinto pour pouvoir, nous faire un cours sur ça un peu plus en profondeur avec l'aide d'Hachem. Bonne soirée à tout le monde.